Chapitre 8e. Le colonel avait su par Raphaël le rôle important que le prince Mazzazzoli avait joué en cette affaire. En réalité, s'il n'avait pas perdu le coût de 320 000 francs et peut-être le suivant, qui eût été de 640 000 francs en doublant toujours l'enjeu, c'était l'intervention du prince qui le devait. Cela à coup sûr méritait bien quelques mots de remerciement. Il avait donc cherché pour s'acquitter de ce devoir de politesse, mais inutilement. Sans attendre la fin de la discussion, le prince s'était retiré. Il avait alors demandé l'adresse du prince afin de pouvoir lui faire une visite le lendemain. Il est vrai que cette journée du lendemain, il en avait disposé pour aller voir son oncle. Mais en faisant visite au prince d'assez bonne heure, cela ne changeait rien à son plan. Il lui restait ensuite tout le temps nécessaire pour se rendre rue de Charonne, où demeurait Antoine Chamberlain, et étudier tout à son aise celle qui deviendrait peut-être sa femme. Il était convenable de ne pas différer la visite au prince, car en réalité, c'était quelque chose comme un million que celui-ci lui avait épargné. Mais le lendemain, ou plus justement le matin, lorsqu'il se leva, les choses ne se présentèrent point comme il les avait arrangées en se couchant. Horace, en entrant dans sa chambre, lui remit une lettre qui avait été apportée par M. le baron de Lazarus, avec grande recommandation de ne pas l'égarer. Puis il le prévint qu'un monsieur attendait son lever depuis 2 heures. « Je t'avais dit que je ne voulais recevoir personne. J'ai exécuté fidèlement la consigne vis-à-vis de tous ceux et de toutes celles qui se sont présentés. Celui-ci pour vous entretenir d'une affaire importante, celui-là pour autre chose. Tous, j'en suis certain, pour vous demander de l'argent. » Mais je n'ai jamais pu me débarrasser de ce monsieur, très aimable d'ailleurs. Il m'a fait causer, et de ce côté il m'a conté des histoires très amusantes. Enfin, ne pouvant pas le renvoyer, je l'ai gardé. J'ai vu dans ma vie des gens habiles et entreprenants à forcer les portes, mais jamais plus que ce monsieur. Il m'a remis sa carte. Il se nomme Méline. Je ne le connais pas. Je pense que monsieur fera bien de le recevoir. C'est, je crois, le seul moyen de le renvoyer. Alors tu feras entrer. Mais voyons cette lettre d'abord. » Disant cela, le colonel déchira l'enveloppe qui renfermait une lettre et une petite feuille de papier lithographiée ressemblant à un chèque. La lettre était courte. « Monsieur, vous trouverez ci inclus un chèque de 30 000 francs. Cette somme est celle que je vous ai gagnée cette nuit chez Mademoiselle Raphaël. Quand je dis gagner, je me sers d'un mot impropre, car on ne peut pas considérer comme gagner ce qui est le produit d'un vol, alors même qu'on était d'une entière bonne foi en s'associant avec le voleur. Je vous prie donc de reprendre ces 30 000 francs qui vous appartiennent. Ce serait, aux yeux de ma conscience, me faire le complice de M. Amenzaga que de les conserver. C'est bien assez qu'une imprudence, que je regrette, m'ait donné la fâcheuse idée de m'intéresser dans le jeu de ce malheureux. De cette déplorable soirée, il me restera cependant un bon souvenir puisque j'ai eu le plaisir d'y faire la connaissance d'un parfait gentleman. Agréez, monsieur, l'assurance de mes sentiments de haute estime. Lazarus, rue du Colisée, 58. C'est le baron Lazarus qui a porté cette lettre, lui-même. Il est venu ce matin de bonne heure. Il a demandé si vous pouviez le recevoir. Je lui ai répondu que j'avais ordre de tenir votre porte fermée. Alors il a écrit cette lettre. Bien. Maintenant fais entrer ton monsieur très aimable, je le recevrai en m'habillant. Méline ne se fit pas attendre. Vous avez voulu me voir ? Demanda le colonel, répondant légèrement au salut du reporter. Oui, monsieur le colonel, et si j'étais indiscret, je vous fais mes excuses. Vous permettez que je m'habille ? J'aurai plaisir à assister à votre toilette. Ah, vraiment ? Fit le colonel étonné. Mon Dieu, monsieur ! Dit le reporter tout en allant çà et là dans la chambre. « Je m'aperçois que vous trouvez ma visite étrange. »« Ce n'est pas seulement la visite. »« Le visiteur aussi, n'est-ce pas ?» Le colonel se mit à rire. « Vous avez ri. Je crois le moment favorable pour vous donner toutes les explications que vous pouvez désirer. Le but de ma visite est de vous voir dans votre intérieur et de pouvoir ainsi offrir à mes lecteurs le portrait d'un gentleman sur qui tout Paris a les yeux fixés en ce moment. » « Eh bien, regardez-moi, mais je vous serai reconnaissant de faire vite. D'ailleurs, à parler franchement, je désire que mon portrait ne soit pas offert à vos lecteurs. Je ne suis point un personnage public, et par suite d'indiscrétion maladroite, on ne s'est déjà occupé que trop de moi à Paris. Si malgré mon désir, vous persistez dans votre portrait, vous me rendrez service en disant que je suis bourru et mal accueillant pour toutes les demandes qu'on m'adresse. Si vous me débarrassez des demandeurs et des visiteurs, vous m'aurez rendu un grand service. Je vous en débarrasserai, mais à condition que j'inspirerai confiance par la façon dont je parlerai de vous. Comment voulez-vous qu'on me croie si au premier mot il est évident que je ne vous connais pas? Et puis permettez-moi de vous dire que la seule manière d'en finir avec des visites dans le genre de la mienne, c'est de vous livrer à moi sans résistance. Vous arrangez les choses à votre convenance. C'est vrai, mais votre intérêt est d'accord avec le mien. Laissez-moi faire de vous un portrait ressemblant, complet, et il n'y aura pas à le recommencer. Si après moi des confrères se présentent, vous n'aurez qu'à les renvoyer à mon étude. Alors, monsieur, interrogez-moi. Que voulez-vous que je vous dise? Ne craignez rien. Je ne vais pas vous demander l'histoire de vos campagnes. D'ailleurs, en causant avec vous depuis 5 minutes, j'ai appris à peu près ce que j'avais besoin de savoir. Et puis j'ai passé 2 heures dans la compagnie de votre valet de chambre qui ne m'ont pas été inutiles. Il m'a dit que vous l'aviez fait parler. De lui et sur lui, non de vous, colonel. Je laisse à d'autres cette besogne de rapporter les propos des domestiques. C'est par induction que cette conversation avec votre beau nègre a pu m'instruire. Le valet, bien souvent, explique le maître. Le vôtre est une personnalité. C'est un type, ce nègre, qui est convaincu de la supériorité des Noirs et qui prend plaisir à chercher les faiblesses et les vices des Blancs pour en triompher. Je me promets de le revoir avant son départ de Paris. Il sera alors bien curieux à entendre si, pendant son séjour ici, il a continué ses observations. Je lui achèterai ses mémoires qui seront, je crois, fort drôles. Son admiration pour les Blanches promet des aventures. Horace est un grand enfant. Il a des enfants, la curiosité et la naïveté. Paris le vieillira. Mais pour revenir à ce qui vous est personnel, je dis que les sentiments qu'il éprouve pour son maître jettent une vive lumière sur le caractère de ce maître. Être aimé de sa femme, de ses amis, c'est assurément une belle chose. Mais être aimé de son domestique, voilà qui est prodigieux. Et ce n'est pas une affection ordinaire. Ce n'est pas seulement du dévouement, du respect. C'est une véritable adoration. Les circonstances m'ont permis de lui sauver la vie. C'est beaucoup. Et cela explique sa reconnaissance. Mais il y a plus chez lui. Sa tendresse pour vous n'est pas tout à fait celle qu'on éprouve pour ceux qui nous ont donné la vie. Mais bien plutôt celle qu'on trouve dans son cœur pour ceux à qui on l'a donnée. Je veux dire celle d'une mère pour son enfant. Sans doute, il est assez ridicule de dire que ce grand garçon, si beau de force, si vital, vous aime comme une mère. Et cependant, c'est le seul mot juste. Avec quel orgueil il parle de vous. Il n'a pas besoin, je vous assure, d'énumérer vos qualités pour faire comprendre à ceux qui l'écoutent qu'à son sens, vous les avez toutes. Tout en parlant ainsi, il ne s'était point assis. Mais il marchait doucement par la chambre, examinant quelque chose. Tout à coup, il s'interrompit pour ramasser une paire de gants sur laquelle il avait failli poser le pied. Mais avant de la remettre sur la table, il l'entrouvrit pour regarder le numéro. « Vous gantez 7 1/4. »« Cela fait partie du portrait ?»« Assurément, la main a son importance. » Continuant son examen, il alla à la table de toilette. « Ah, vous vous servez de parfumerie française, mais vos brosses sont américaines. » Puis revenant vers un fauteuil sur lequel Horace avait déplié une chemise, « C'est de la toile de Hollande, cette chemise, n'est-ce pas ? » dit-il. « La parfumerie, les brosses, la chemise, tout cela fait partie du portrait. Mais sans doute, si vous étiez chez vous, au lieu d'être à l'hôtel, je descendrais à votre cuisine et compterais vos casseroles. Il ne me reste comme accessoire que vos objets corporels. Il faut bien que je les utilise de mon mieux. Par bonheur, j'aurai 2 détails qui feront contraste. Dans une armoire, j'ai eu 12 paires de bottes et 12 paires de bottines. Ce qui est bien Yankee. Puis sur votre table de nuit, vous avez un volume de Musset, ce qui est bien français. Je crois que mon étude sera réussie. Cependant, il y a une chose que lui donnerait un fameux relief, mais je n'ose trop vous la demander brusquement. C'est maintenant que vous avez de ces scrupules. Ne vous gênez donc pas, je vous prie. Alors, puisque vous le permettez, voyons, franchement, vous n'avez pas quelques vices cachés. Le colonel se mit à rire. Oh! « Avouable. Un petit vice caractéristique qui soit un plumet. »« Ça ne nuit pas dans le monde, bien au contraire. »« Non, pas de vice. »« Eh bien alors, une manie originale, curieuse. »« Pas de manie. »« Alors un tic. »« Quel est le mot que vous répétez le plus souvent dans la conversation ? Je n'ai jamais eu le temps de me regarder vivre et je ne m'écoute pas parler. Demandez cela à Horace. Oh, pour lui, vous êtes la perfection. Enfin, je sens que je ne peux pas vous confesser malgré vous. Et il ne me reste plus qu'à me retirer, après vous avoir remercié. Je tâcherai de vous prouver ma reconnaissance en vous débarrassant des importuns et des demandeurs. Seulement, c'est une race qui ne se rebute pas facilement. Le reporter partit, le colonel put achever sa toilette. Par le fait de la lettre du baron Lazarus, ses dispositions pour la journée se trouvaient une fois encore modifiées. Non seulement il devait une visite au prince Mazzazzoli, mais de plus il en devait une au baron. Heureusement, la rue du Colisée n'est pas éloignée du rond-point des Champs-Élysées, où demeurait le prince. Il ferait les deux visites l'une après l'autre. Ensuite, il irait au faubourg Saint-Antoine. Car enfin, elle aussi avait son importance, cette visite qui pouvait décider de sa vie. Comment était-elle, cette petite Thérèse ? Ce n'était pas de ce jour qu'il se posait cette question et qu'il l'examinait. Le moment était venu de la résoudre.